Antoine Jiménez, souvenir de la guerre d'Espagne, du 19 juillet 1936 au 9 février 1939, feuilleton radiophonique en 20 épisodes. Vingtième et dernier épisode. Épilogue Marseille, 1974-1976. Je viens de terminer mon récit. Je me suis efforcé de ne dire que la stricte vérité, telle que ma mémoire l'a gardée. Certains faits qui ne me touchaient pas personnellement, et dont je ne suis pas certain de l'authenticité, je les ai gardés pour moi. De toute façon, ce qui pour moi est le plus important, ce ne sont pas les faits matériels, mais les motivations qui ont poussé ces hommes à faire ce qu'ils ont fait. À peine sorti de l'enfance, j'ai vécu l'avènement du fascisme. J'ai vu la veulerie des politiciens devant le déferlement de la violence des chemises noires. Entre 12 et 14 ans, j'avais dévoré les œuvres de Kropotkin, Malatesta, les poèmes de Pietro Gori et une infinité de brochures, ne retenant de tout cela qu'un ferment de révolte et une admiration sans borne pour ceux qui se levaient, le poignard, le pistolet ou la bombe à la main, contre les tyrans qui oppressaient les peuples. En 36, j'étais ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui un marginal, quelqu'un qui vit en marge de la société et du code pénal. Je croyais être un anarchiste. Je n'étais en réalité qu'un révolté. Mon action de militant se limitait à faire passer la frontière à certaines brochures, imprimées en France et en Belgique, sans jamais chercher à savoir comment on pourrait reconstruire une nouvelle société. Mon seul souci était de vivre et de démolir l'édifice existant. C'est à Pina de Ebro, en voyant s'organiser la collectivité, en écoutant les conférences données par certains copains, en mêlant aux discussions de mes amis, que ma conscience, en sommeil depuis mon départ d'Italie, se réveilla. Mario voulut me faire profiter de son expérience, de son savoir, et pour cela il avait mis noir sur blanc nombre d'idées et de connaissances, pour que je puisse y réfléchir. Ses arguments, l'exposé clair et concis de sa pensée, m'ont permis de regarder froidement l'évolution de la société, de constater la justesse de sa perception des faits, lorsqu'il affirmait que les formations politiques d'origine révolutionnaire devenaient réactionnaires, républicains, socialistes, communistes, une fois arrivés à conquérir le pouvoir, n'ont eu rien de plus pressé à faire que de consolider leur appareil de répression et de garder ou rétablir les privilèges qu'ils étaient censés abolir. Conditionnés par des millénaires d'ignorance et d'esclavage, à écouter, à obéir, à croire, les masses laborieuses de l'humanité se réveillent lentement, au fur et à mesure qu'augmente leur capacité de raisonnement. Et elles réclament le droit de vivre libre de toutes entraves. Habitués à avoir un maître, un directeur, un berger, les individus qui forment l'humanité se groupent et suivent, selon leur degré de conditionnement, les professionnels de l'escroquerie sociale qui leur promettent l'égalité, la liberté, la justice. Dans aucun pays de notre monde, la liberté n'est égale pour tous, ni la justice indépendante, car elles sont contrôlées par la faction qui détient le pouvoir, laquelle à son tour obéit au groupe de la haute finance qui lui donne les moyens d'y parvenir. L'argent n'est pas seulement le nerf de la guerre, il est aussi celui de la politique. Il est le but de toute activité humaine. Aujourd'hui, tous les efforts sont motivés par la rentabilité. On dit « ceci est rentable, cela ne l'est pas ». Et pour gagner de l'argent, toujours plus d'argent, on oublie ce qui est nécessaire, ce qui est utile à l'humanité, et on emprisonne petit à petit la terre entière. Il faut qu'agriculteurs et ouvriers, ingénieurs et scientifiques, se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin de financiers, ni de banquiers, ni de politiciens, pour vivre libre et heureux. Mais qu'ils ont besoin les uns des autres pour que l'humanité survive, et avance vers le bonheur universel. et que pour cela ils doivent d'abord éliminer tous ces parasites qui les oppriment, les exploitent, les réduisent à l'état d'animaux dressés pour telle ou telle besogne. Aujourd'hui, dès sa plus tendre enfance, on conditionne l'être humain à connaître la valeur de l'argent. Toute l'éducation est axée sur la possibilité de l'enfant, devenu adulte, de gagner de l'argent pour subvenir à ses besoins. Je pense qu'il serait plus rationnel et plus humain, plus avantageux pour la société, de permettre à l'enfant de choisir parmi les métiers les plus nécessaires à la collectivité, celui qui lui plaira le plus, et qui lui permettra, comme n'importe quel autre, de profiter des plaisirs de la vie. Mais cela n'est possible que dans une société libertaire, où la propriété privée sera abolie, où aucune espèce de monnaie n'aura plus cours, où l'homme libéré des préjugés et des complexes patriotiques et religieux aura enfin compris que malgré les différences physiques ou intellectuelles, nous sommes tous égaux et interdépendants les uns des autres. Chacun doit apporter à la collectivité le produit de son travail pour pouvoir prendre ce qui lui est nécessaire. Nous prétendons être civilisés, mais ce mot ne veut rien dire, car nous avons rétrogradé sociologiquement. La collectivité tribale était plus juste et équitable dans ses structures que notre société super civilisée. La majorité des gens se plaignent de la recrudescence de la délinquance et de la violence, et chargent la jeunesse moderne de tous les maux dont souffre la société, sans se rendre compte que les vrais coupables sont ceux, nous devrais-je dire, qui n'ont pas su assurer à leurs enfants et petits-enfants une organisation sociale vraiment juste, basée sur l'égalité des tâches nécessaires à la vie et au bien-être de tous. La violence et la délinquance sont utiles aux classes dirigeantes, car elles permettent, sous prétexte de les juguler, de renforcer l'appareil policier qui leur servira à briser toute tentative de révolte des classes productives, et de recruter parmi les hors-la-loi les hommes de main pour exécuter les basses besognes que même un policier refusera d'accomplir. Tout est mis en œuvre pour pousser l'individu, enfant et adolescent, à devenir un adulte épris d'admiration pour les meurtriers, les voleurs, les escrocs de tout acabit. La littérature, le cinéma, la télévision, au service des nantis, développent les instincts primitifs de l'animal humain pour le maintenir dans un état de semi-barbarie qui permet de diviser les individus, de dresser les ouvriers contre les paysans, les manœuvres contre les ouvriers, et ceux-ci contre les techniciens, ingénieurs, physiciens, chimistes. La société moderne, basée sur l'argent, ne se soucie guère de ce qui est utile et bon pour l'humanité, mais de ce qui est rentable. La société dite de consommation est une immense escroquerie à l'échelle mondiale. Tout y est frelaté, faussé, empoisonné. La publicité pousse les individus à acheter n'importe quoi, créer des besoins nouveaux qui nécessitent encore plus d'argent pour les assouvir. Les êtres humains, hypnotisés par le besoin d'argent, ne s'aperçoivent pas que cette quête sans fin conduit à toutes les catastrophes qui aboutiront à la destruction de la vie. Les détenteurs du pouvoir, capitalistes et politiciens de tous bords, pour asseoir leur emprise sur les masses productives, depuis toujours se sont efforcés de dresser les différentes familles qui forment l'humanité les unes contre les autres. Patrie, religion, idéal, tout est bon pour servir de prétexte à l'assassinat, au pillage, au déferlement de la haine. Car la haine empêche les individus de raisonner sainement. Patriotes et racistes sont synonymes. Ils portent en eux la même idée de supériorité d'un individu sur un autre, le même germe de haine qui les dressera l'un contre l'autre au moment choisi par le politicien qu'ils se sont donné pour maître. La société contemporaine est fondée sur la violence, l'injustice et la haine. Ses vertus majeures sont le mensonge, la trahison et l'hypocrisie. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón. Barricadas levantaremos, como ayer la confederación. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón. Barricadas levantaremos, como ayer. Près de 40 ans se sont écoulés. Malgré les progrès de la science, malgré la boucherie monstrueuse qui a ensanglanté la terre entière et qui laisse prévoir l'horreur de la prochaine guerre, les hommes et les femmes refusent de comprendre que l'humanité n'aura jamais la paix, la justice, l'égalité, la liberté. tant qu'il y aura la monnaie, et sa conséquence logique, la propriété privée. Tant que le capitalisme, privé ou d'État, concentrera ses efforts dans la construction, le perfectionnement des outils de destruction, maintenant un climat de guerre permanent, sans que les masses se révoltent et refusent de suivre, il n'y aura pas de salut possible. Il faut que les métiers et professions nécessaires à la vie et au bien-être de la collectivité aient la place qui leur revient de droit. Et pour cela, on doit éliminer toutes les cohortes parasitaires qui les exploitent. Sauvage les emporte avec le pouvoir qui les suit. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. Toutes les révolutions ont échoué. La Révolution française, malgré sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a gardé les inégalités sociales et économiques de l'Ancien Régime. La Révolution russe a débouché sur une dictature qui n'a rien envié à celle des partis réactionnaires, avec les mêmes différenciations économiques. La Révolution chinoise n'est pas encore terminée, mais elle a gardé les ferments qui la conduiront à plus ou moins longue échéance à l'échec. L'argent et la propriété privée, une direction centralisée, une armée de métiers. 40 ans après, en regardant autour de moi, je vois que la lutte pour le pouvoir continue, aussi âpre, aussi incohérente. Je vois ouvriers, paysans, techniciens, savants, aveuglés par l'argent, se dresser les uns contre les autres, et au-dessus d'eux les politiciens et leurs maîtres les regarder et rire en se frottant les mains. Je vois la terre, ma patrie, je vois l'humanité, ma famille, lentement empoisonnée par l'esprit de lucre, par l'intérêt sordide de quelques-uns, qui s'avancent vers la mort, la destruction totale. Et en pensant à vous, mes amis disparus en combattant pour un idéal d'égalité absolue, de liberté totale, je me dis que vous aviez raison. Seule une société libertaire peut sauver les hommes et le monde. À ce stade du récit, Antonio Jiménez nous indique qu'il est italien, et nous savons maintenant qu'il s'appelait Bruno Salvadori. Né le 14 décembre 1910 à Chiani, dans la province de Pise, il émigrera en France, et au début des années 1930, il réside à Marseille. C'est là qu'il fait la connaissance de Joe et Fred, avec qui il entamera une petite carrière de monte en l'air. Comme tant d'autres marginaux de cette époque, Bruno Salvadori mène une vie de cheminot trimardeur en Europe qui le conduit souvent en Espagne, où règne une intense activité anarchiste. Il est arrêté en 1935 à Barcelone alors qu'il tente de monnayer son passeport. Cela entraînera une ouverture de dossier en tant qu'élément subversif de la part de la police politique mussolinienne. Nous avons d'ailleurs retrouvé ce dossier à Rome, aux archives centrales de l'État italien. Plusieurs fois expulsé vers la France, Bruno Salvadori espère semer la police et revenir en Catalogne en changeant d'identité. C'est ainsi qu'au printemps 1936 apparaît le personnage d'Antonio Jiménez. À la veille du coup d'État militaire, il travaille avec des copains sur la propriété agricole de Valmagna, dans la commune d'Alcaraz, près de Lérida. Il va y croiser un jeune de 17 ans, Josep Liados, aujourd'hui réfugié en France. Il se trouve que nous l'avions contacté pour nous entretenir avec lui de son expérience de milicien sur le front d'Aragon. Et voilà qu'en lisant aujourd'hui le manuscrit de Jiménez, un petit moment de sa jeunesse est remonté à sa mémoire. Eh bien oui, Antoine, il était au village d'Alcarràs, intégré, oui, il avait ses copains, et je me les rappelle bien, moi, de ce garçon. Bien entendu, je ne parlais pas avec lui parce qu'il avait au moins 8 ou 9 ans de plus que moi, donc il avait d'autres amis. Mais je me demandais toujours d'où c'est qu'il sortait, ce garçon-là, parce qu'au village, on se connaissait tous, et lui, il était étranger. Bon, mais je pensais à un moment donné qu'il était d'un village voisin. Et puis ça se verrait qu'il n'était pas d'un village voisin, il était de beaucoup plus loin. Tony, ce n'était pas dans les habitudes du village, ce nom de Tony. Donc, un élément de plus pour que je me sois bien rappelé de lui. C'est vrai, parce que Tony en avait qu'un. C'était lui. Voilà. C'est un gars qui, avec ses copains, il était plus ou moins silencieux. Je l'entendais parler rarement. Il était content d'être avec eux, il suivait partout. Ses copains, ils devaient savoir qu'il était pas espagnol ou quelque chose comme ça. Mais moi, jeune comme j'étais, je n'étais pas censé de savoir, mais sa description, c'était qu'il n'était pas grand, il était mat de peau et silencieux, il ne parlait pas beaucoup, en somme, s'exprimait pas beaucoup. C'est vrai que peut-être il avait quelques difficultés en catalan, parce qu'à mon village, tout le monde parlait catalan, hein. Grâce à Viviane, sa petite fille, et à ses amis de Marseille, nous avons pu reconstituer une partie de l'histoire de Jiménez après février 1939. En France, il vivra avec Antonia Mateo Clavel et la petite Pilar, qu'il avait rencontrée en Aragon, et qui deviendront sa femme et sa fille. On aura compris qu'après le passage de la frontière, cet Italien vivra le reste de son existence sous sa fausse identité. En août 1939, Jiménez est interné dans le camp de concentration d'Argelès-sur-Mer, selon un rapport du ministère de l'Intérieur mussolinien, qui ne fait pas le lien avec le dossier de Salvadori Bruno. Avec 117 autres militants libertaires italiens, Antonio fait alors partie du groupe Libertà o Morte, où s'organise la survie et la défense collective face à tous les dangers encourus dans le camp. Malnutrition, mauvais traitement de la part des autorités, sans parler de l'hostilité des co-détenus communistes. Jiménez travaille ensuite sur le chantier du mur de l'Atlantique, dans le secteur de Royan, où il participera à des sabotages et à des actions de résistance. Libéré des compagnies de travailleurs étrangers en octobre 1944, il est embauché par la Société des Travaux du Midi de Marseille, en 1953, en tant que boiseur-coffreur. Il y restera jusqu'à sa retraite anticipée pour cause de maladie. Il ne semble pas qu'il ait rejoint une quelconque organisation politique pendant toutes les années qui ont suivi la fin de la guerre. Amateur de littérature, il écrira nouvelles et poèmes, mêlant autobiographie et fiction. Il rédige les souvenirs entre 1974 et 1976, sans se documenter sur cette période, se fiant à sa seule mémoire. Ce choix provoquera quelques erreurs et approximations dans son récit, mais c'était peut-être le prix à payer pour une œuvre fortement imprégnée de sincérité. Il cherchera à se faire éditer, sans succès, y compris dans le milieu libertaire, auquel les souvenirs sensuels semblaient déplaire. En 1976, répondant à la curiosité politique de Viviane, la fille de Pilar, il reprend contact avec le mouvement libertaire et fréquente le groupe de Marseille de la Fédération anarchiste. Il assurera nombre de permanences de ce groupe, au fil desquelles son rôle de témoin historique laissera des traces, sans parler de son infinie gentillesse. Antonio Jiménez meurt d'un cancer le 26 décembre 1982, très entouré de tous les copains du milieu libertaire. Il n'était jamais retourné en Italie. Comme en témoigne ce petit entretien, enregistré en 1982 par Frédéric, le petit-fils d'adoption de Jiménez, peu avant la mort de ce dernier, un des plus doux souvenirs qui perdurent dans sa mémoire est celui de la madre, Pascuala Labarta. Donc il me prend par la main comme ça, et me dit viens, et m'amène un peu plus loin, à la maison, et dit hey, t'es la Barta, t'es Pascuala. Et Francis qui te pide, te demande. Et bon, je fais les rentrées et je vois quelqu'un qui se présente à la porte, une fille aussi maigre que sa mère, mais 14-15 ans, jeune. Elle dit, est-ce que tu... Oui, c'est moi. Elle dit, bon, entre. Je rentre. Elle dit, vous attendez une seconde. Ma mère va vous apporter votre chemise. Et elle m'apporte la chemise du propre, bien repassée, la rouge. Au nom de Dieu. Mais ça c'est... Alors on commence à parler, moi je parle un peu espagnol, et on commence à parler. Et trahir pour Rome. Pour Rome c'était une espèce de bouteille avec un bec qu'on boit la régalade. Ouais. Et trahir pour Rome, Vicenta, elle arrive, boit un coup. Et on commence à parler, n'est-ce pas bon d'où je viens, et vous avez la famille, c'est ce qui intéresse les vieilles femmes. C'est pas des, bon, non, ma mère elle n'est pas là, ça fait longtemps qu'elle est partie. Et voilà, et bon, alors, tu as personne. Et non, j'ai personne. Mais c'est pas possible. Comment tu vis? Et comment ceci, comment cela? Bon, ce soir tu viens souper ici. Oh, oui, tu viens souper ici. Bon, ben, si vous voulez, moi, c'est pas d'inconvénient, hein. Et en effet, j'ai commencé à manger chez la Tia Labarta. Pour cet ancien milicien de la Révolution espagnole, l'internationalisme et l'amitié n'étaient pas de vains mots. À la fin de ses souvenirs, Jiménez rend hommage à ses compagnons disparus. Alors laissons les mots de la conclusion à Charles Ridel, alias Louis Mercier Vega, un Belge à l'origine du groupe international de la colonne de Ruti, avec les Français Louis Berthomieux et Charles Carpentier. Quand il écrivit ce texte en 1956, intitulé « Fidélité à l'Espagne », il pensait lui aussi à tous ses amis morts. Sauf qu'à ce moment-là, Antonio Jiménez était bien vivant à Marseille. En voici un extrait. Dans les trous creusés au flanc des collines d'Aragon, des hommes vécurent fraternellement et dangereusement, sans besoin d'espoir parce que vivant pleinement, conscients d'être ce qu'ils avaient voulu être. C'est un dialogue avec eux, un dialogue avec les morts que nous avons tenté pour que demeure, de leur vérité, de quoi aider les survivants et les vivants. Bianchi, le voleur qui offrit le produit de ses cambriolages pour acheter des armes. Staradols, le vagabond bulgare qui mourit en seigneur. Bolgakov, le macnoviste qui, bien que sans cheval, perpétua l'Ukraine rebelle. Santin, le bordelais dont les tatouages révélaient la hantise d'une vie pure. Jiua, le jeune penseur de Milan venu se brûler à l'air libre. Jiménez au nom multiple, qui démontra la puissance d'un corps débile. Manolo, dont l'intrépidité nous fit mesurer le ridicule de nos audaces. De tout cela, et de milliers d'autres, il ne reste que les traces chimiques, résidus de corps flambés à l'essence, et le souvenir d'une fraternité. La preuve nous a été donnée d'une vie collective possible, sans Dieu ni maître. Donc, avec les hommes tels qu'ils sont, et dans les conditions d'un monde tel que les hommes le font. Pourquoi cet exemple ne serait-il valable que pour les heures de haute tension? Pourquoi le destin ne se forgerait-il pas chaque jour? Ce feuilleton radiophonique s'arrête ici. Bien des personnes y ont participé. À la base, deux Marseillais qui ont connu Jiménez et l'ont encouragé à publier ses souvenirs, et six autres géminologues associés. Et puis, bien des personnes de diverses nationalités ont prêté leur voix, leurs documents et leurs encouragements au gré des passages à Longomaï, où s'effectuaient les enregistrements ou en collaborant à distance. Nous voulions au départ accompagner le récit de Jiménez de quelques mises en contexte historiques. Puis nous nous sommes laissés conduire par les découvertes successives, totalement inattendues et passionnantes, concernant les hommes, les femmes et les situations qu'Antonio avait connues. Au fil des recherches, de livres en témoignages vivants, de photos en documents d'archives, à Barcelone, en Aragon, à Paris et à Marseille, à Lausanne, Amsterdam ou à Rome, nous avons fini par rassembler des matériaux rares, et pour beaucoup inédits, sur le groupe international de la colonne d'Urruti. Nous en avons introduit une partie dans le feuilleton. La totalité trouvera sa place dans un livre à paraître bientôt. Pour les aficionados, nous signalons que la traduction en castillan du manuscrit de Jiménez vient de paraître aux éditions Pepitas de Calabaza et qu'une édition en italien est en chantier. Les géminologues, janvier 2005. La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité, aux images nous sommes condamnés. Sans rêve et sans réalité, aux images nous sommes condamnés.